souffle le reflet ronflant d'une rafale filante d'offrandes au rabais. L'heure est à l'arrêt et les rois renflouent leurs sacoches en écorchant des proches. On amoche du mioche, maréchaux et fantoches qui s'attachent à l'ébauche du mauvais banlieusard, voleurs et vicelards. Mais tout le monde voit le traquenard, connard. Tu sais, les parures, la fourrure ne font pas le renard. Et la folie des hautes affaires, des hautes sphères, nourrit la fureur d'une rue réduite à la misère. La frayeur pénitentiaire file droit dans la fourrière quand une matraque dans le cul n'est qu'une erreur policière. Et pour y remédier de la meilleure des manières, le roi d'Écorce se déchaîne un arsenal de mort. Et ce mécénat malsain n'aura aucun remords à rafler du séraphin en jouant les matadors. Un écho encore, un placebo, c'est de l'héros. Le rendez-vous, rien dernier tango. Encore un, est-ce qu'on s'en sortira? Allez, resserre-moi un. Encore un rêve qui ne servira à rien pour les séraphins. Féroce, allez, fascine. Fissure, vieux fossile. Tu sais, j'espère pas que l'espèce passe le cap d'espace, m'inspirant l'espace. Presse, allez, laisse cette messe qui mise sur la paresse de masse, qui te laisse de petites paperasses, qui parle encore de race. Qu'enchaîne les tours de passe-passe, c'est un jeu de piste qu'empeste dans tous les petits postes. Mon passe-temps, faire des posters de peau de pasteur. De peur, ça va de pair avec la perte de repère du Saint-Empire de la para. Là où la parole est reine, ne mène à rien. Et dans l'opéra des clowns, on acclame les vauriens. Allez, certifions la farce d'un délit de faciès. Froisse du forceps et fronce les sourcils. Chez moi les parias sont féroces et les séraphins fascinent. Un mot, un écho, encore un placebo. C'est de l'héros dans le rendez-vous, rien dernier tango. Encore un, est-ce qu'on s'en sortira? Allez, resserre-moi un. Encore un rêve qui ne servira à rien pour les séraphins.